Palazzo Melissa, sourire hypocrite. Je te vois pleurant sur ton sort. Je te vois savant qui ne te renferme pas, exprime-toi. Sans toute cette haine qui s'est installée en toi. Ne laisse pas les bras de la tristesse s'envahir. Ne cache pas toutes tes peines derrière un simple sourire. Dans la vie, soit tu rimes, soit tu crames. Reste calme, ne rends pas les gens tâmes. Moi j'en ai rendu et je les ai déçus. Je me suis rabaissée, mais ça m'a renforcée. Tu sais, la vie, c'est pas un petit nuage. C'est l'enfer enrobé d'un beau petit paysage. On sait tous que le décodage de la rancœur, c'est un sourire hypocrite rempli de douleur. Être heureux sans aucun gain de cause. Tu ressens dans nos proses cette colère, cette chose parfois anxieux. Mais écrire vaut mieux que se défouler en vrai. Trop de conneries de fête, trop de insoirées. Trop de mecs ont voulu barrer ma quête. J'irai jusqu'au bout avec ou sans des bâtons dans les roues. Oui j'étais fou, je suis toujours, mais ça m'a renforcé. Ça m'a appris à aimer les bonnes personnes, respecter les sœurs et pas les cochons. Tu me vois dans la rue riant avec les rails. La parano s'accélère toujours sur la défensive. Beaucoup de réactions naïve, j'ai pas toujours fait les bons choix. Toujours à rendre inquiet la maman. On croit tous que je suis heureux, mais en fin de compte, je suis constamment nerveux. Mais ce sourire hypocrite, tout le monde le veut. Tout le veut, tout le veut. Quels sont mes projets? Tout le monde a les siens, conçus pour être médecin. Si j'en crois les profs, ma vie n'est qu'une catastrophe. Je pourrais faire pleurer avec mes strophes. Ne pleure pas grand-mère, je vais me ressaisir. T'inquiète pas grand-père, le bonheur je vais le saisir. Je pense à ceux qui m'ont quitté, tous ces moments passés. Que ces personnes reposent en paix. On m'a dit tu sais, tu gagneras pas ta vie. Mais je m'en fous de gagner ma vie. Je veux rendre fier ma famille. De la sincérité dans mes rires. Avoir une femme et la faire pâlir. Qu'elle joue pas avec mes sentiments. Mon cœur est barré de ciment. Les gens deviennent superficiels. Ficelles se font manipuler par des ficelles. On veut tous être classe, dépenser des liasses pour serrer des pétasses. Se font croire être amoureux, mais ce sourire hypocrite, tout le monde le veut. Ce sourire hypocrite, tout le monde le veut.